une fois dans un rêve, j'ai vu le soleil couver les étoiles. Une fois dans un rêve, j'ai vu des sirènes qui mettaient les voiles. Et dans ce rêve, j'ai vu les portes des enfers. Ce rêve n'est que réalité dont personne ne peut s'échapper. Une fois dans un conte, j'ai vu un orange voguant sur les nuages. Une fois dans un conte, j'ai vu une fée prise au piège d'une cage. Et dans ce conte, j'ai vu une terre en détresse. Ce conte n'est que réalité dont personne ne peut s'échapper. Bah, recueille-toi sur les terres d'autrefois. Sur les terres d'autrefois. Sur les terres d'autres fois que je pense pouvoir atteindre, que sur les terres d'autres fois.